الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد وصلنا وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثالث من أقسام الناس في مسألة الأخذ بظاهر النصوص في نصوص الصفات قال المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثالث قال Rahimahullah. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur la continuité de la lecture du livre, les règles exemplaires concernant les attributs divins, les attributs d'Allah et ses noms. Et dans la dernière assise, on s'est arrêté et on était parvenu à l'étude de la parole de l'auteur lorsqu'il mentionne la troisième conception, c'est-à-dire la troisième catégorie de gens concernant le sens apparent des textes, concernant leur conception par rapport à la compréhension du sens apparent des textes nommés d'attributs. Et l'auteur a mentionné les deux premières catégories. Ensuite, il dit dans la troisième catégorie, « Qala al-musannif al-thalithu » أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فهو جوابه من ثلاثة أوجه وأخذنا ذلك في الحلقة الماضية إلى أن قال المصنف في القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف ومذهبهم باطل من وجوه أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلها دلة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى ولا مراد له. Donc pour mieux comprendre ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc dans la troisième catégorie, l'auteur, dans cette troisième catégorie, il mentionne troisième catégorie de gens, la conception de certains selon leur compréhension des textes ou de l'apparence des textes, du sens apparent des textes d'attributs, qui eux, le sens apparent des textes, ils ne l'ont pas pris comme il convient au Créateur subhanahu wa ta'ala et compris comme il convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc pour cela, Ils ont donné à ce sens apparent des textes d'attributs un sens faux qui les a menés à falsifier ou interpréter le sens apparent de ces textes. Et donc l'auteur nous dit que depuis des générations et des générations, comme on l'apprend dans de nombreux livres, les savants n'ont cessé de répondre à ces ambiguïtés dans leurs écrits, dans leurs œuvres. Pourquoi ? Parce que c'est celle-ci qui s'est répandue dans le monde musulman. C'est pour ça que l'auteur va bien détailler cela. Et on a dit qu'il fallait être bien concentré pour comprendre bien les enseignements et la réponse que va apporter l'auteur ici dans son œuvre. Et donc, pour bien comprendre ici, pour faciliter, on va répondre à la question pourquoi les savants, depuis les premières générations, lorsqu'a émergé dans le monde musulman cette méthodologie du fait d'interpréter les attributs d'Allah Azzawajal, pourquoi les savants interdisent cela ? Et pourquoi les savants disent que ce n'est pas la voie enseignée par le prophète sallam et ses compagnons ? Est-ce que les disciples des compagnons aussi ont enseigné ? Pourquoi l'interprétation n'est pas permise ? Et pourquoi les savants n'ont pas toléré depuis les premières générations et ont toujours réfuté ce madhab, ce courant de pensée, le fait d'interpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on facilite de cette manière. Tout ce que va mentionner l'auteur ici, c'est réponse à cela. Pourquoi on ne pourrait pas, par exemple, interpréter ? Et lorsqu'il y a la mention, par exemple, de l'attribut de la main dans les textes, dire la main, par exemple, on l'interprète de telle et telle manière. Comme cela a été fait. Et ce courant de pensée s'est tellement propagé dans le monde musulman jusqu'à ce qu'il devint dominant. Jusqu'à ce qu'il devint dominant dans le monde musulman. C'est pour cela que plus tard il y a eu la propagation du courant de pensée qui était appelé al-ash'arisme, al-ash'arira, wa al-maturidiyya, wa al-kullabiyya. Toutes ces doctrines-là font partie des doctrines qui interprétaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux par contre, si vous vous référez aux écrits justement de Al-Ash'arira, Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya, de ces doctrines-là qui ont été célèbres pour leur interprétation des attributs, eux affirment les attributs. Ils ne nient pas les attributs. Pour cela, si vous vous référez à leurs écrits et leurs œuvres, eux réfutaient les gens de la négation, les partisans de la négation, ceux qui ont nié d'une manière catégorique les attributs divins, les attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Eux réfutaient cela de sorte qu'ils affirmaient les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais ont eu recours à l'interprétation. Donc, la grande question, le grand débat, c'est un grand débat qu'il y a eu entre les grands savants, les grands théologiens, les grands érudits musulmans, est-ce que donc dans le domaine de l'asma wa sifat, dans ce sifat, est-ce qu'il est permis d'interpréter ? Les grands savants ne l'ont pas permis, depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui. Et cela est considéré comme une hérésie, le fait d'interpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? C'est cela que va nous enseigner l'auteur. Donc là, je l'ai fait très simplement en posant cette question pour qu'on puisse comprendre. Pour qu'on puisse comprendre et bien profiter de ce que va nous dire l'auteur à travers cela. C'est pour ça, tellement ça s'est propagé dans le monde musulman et tellement c'est devenu quelque chose de dominant, ça a dominé hein, pendant longtemps, un certain moment, l'auteur a vraiment détaillé cette partie-là. Et donc, il va expliquer, selon et à travers plusieurs points, pourquoi il ne faille pas interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il faut rester sur le sens apparent, sans avoir recours à l'interprétation que lui ensuite dit, en fait, l'interprétation, c'est de la falsification. Donc, pourquoi cette question très importante, c'est ce qu'on va comprendre à travers les points. Donc, moi, je vous ai facilité de cette manière-là, même si l'auteur ne le dit pas comme cela, pour qu'on puisse bien profiter de ce que va dire l'auteur, puisqu'en fait, tout ce qui va venir là, c'est en quelque sorte une réponse à cela. pourquoi on ne peut pas interpréter les attributs. Là, l'auteur va réfuter justement et va répondre aux arguments de ceux qui, justement, ont eu recours à l'interprétation et pensent que cette méthodologie, c'est la méthodologie la plus savante et la meilleure que le fait de prendre le sens apparent et d'affirmer le sens apparent. Alors, le pourquoi que les savants n'acceptent pas dans ce domaine l'interprétation des attributs d'Allah, Azzawajal. L'auteur nous dit, premièrement, cette troisième catégorie, il la décrit comme étant, concernant le sens, hein, la troisième catégorie, bien sûr, concernant le sens apparent des textes. Il dit, elle regroupe ceux qui ont fait du sens premier, qui se dégage des textes sur les attributs, un sens nul. Donc ceux qui ont fait du sens premier. Comme on a dit, le sens apparent des textes, on a dit c'est le sens premier. C'est le premier sens qui nous vient à l'esprit, immédiatement à l'esprit. Lorsque on lit, qu'est-ce que le sens apparent ? D'une manière très judicieuse et très pertinente, l'auteur nous a enseigné que le sens apparent du texte, c'est ce qui nous vient en premier, immédiatement à l'esprit. Dans cette troisième catégorie, eux, ils ont fait du sens premier qui se dégage des textes, et il dit bien précisément sur les attributs, un sens nul qui ne convient pas à Allah. Pourquoi ? Parce que pour eux, on a dit, comme de la même manière pour la deuxième catégorie, pour eux, ce sens-là est de, ils lui ont donné un sens anthropomorphiste. C'est-à-dire que l'attribut, son sens apparent, sera un attribut comparable et semblable, égal aux attributs des créatures. Aux attributs des créatures. Donc ça, on avait dit que c'était là, la pensée et la doctrine de la deuxième catégorie. Sauf que la troisième catégorie ont eu la même pensée. La troisième catégorie, comme on l'a bien stipulé dans la dernière assise, ont eu la même pensée, c'est le point commun avec la deuxième catégorie, sauf que cela les a menés ensuite à nier le sens apparent. Ou plutôt à l'interpréter. À interpréter le sens apparent. Pourquoi ? Parce que ils ont fait de son sens apparent un sens qui ne convient pas au créateur. Car étant de l'anthropomorphisme. Ces gens alors, à cause de cela, ont nié le sens qui convient là, bien qu'il émane des attributs eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle, ils ont été considérés aussi, là, Cheikh aussi dit, qu'ils ont été considérés comme Ahlu at-Ta'til, comme les gens de, les partisans de la négation. Partisans de la négation. Sawan kana ta'tiluhum amman fil asma'i wa sifat, que ce soit une négation générale, comme on avait vu, ou bien une négation spécifique aux attributs, sans les noms, par exemple. Et donc ensuite, l'auteur dit, ils ont ainsi détourné les textes de leur sens apparent vers des sens désignés avec leur raison. Avec la raison. Donc ensuite, ils ont eu recours justement à interpréter et donner des sens justement à ces attributs. وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَحْرِفُونَ. Sauf que cette interprétation, l'auteur l'a décrit comme étant en réalité véritablement de la falsification. Donc ça, c'était en révision, pour bien qu'on puisse comprendre. Maintenant, l'auteur, c'est là qui va mentionner que ce courant de cette pensée-là concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est fausse. Elle n'est pas conforme aux enseignements du prophète sallam et de ses compagnons et des disciples et de ceux qui les ont suivis dans le bien depuis les premières générations. Pourquoi ? Et là, il va mentionner les différents points. Et ces différents points, nous, pour faciliter, on a dit, ça va nous répondre à la question, pourquoi peut-on pas alors interpréter les attributs d'Allah Azzawajal et pourquoi les savants de la Sunna depuis les premières générations ont réfuté, premièrement, renoncé à l'interprétation et réfuté l'interprétation. Pourquoi ? Là, on va voir les réponses en différents points et vous allez voir le pourquoi. Parce que c'est vrai, l'esprit de la personne, par exemple, celui qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas fait d'études théologiques, lorsque par exemple il est face à une argumentation liée à l'interprétation, il peut y facilement y adhérer. Lorsqu'on lui dit en fait, la tribu de la main, ce n'est pas dans le sens de la main, mais c'est dans le sens des bienfaits. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens de Al-Quwwa, le sens réel de la main, c'est la puissance, les bienfaits du Créateur. La personne qui est exempte de connaissances et démunie, qui n'a pas de savoir dans le domaine, il peut adhérer à cela. Donc pourquoi il ne faille pas interpréter cela est interdit, vous allez voir à travers ces points. Premièrement, regardez ce que l'auteur va nous dire. Il nous dit premièrement, Ahaduha, premier point, Annahu jinayatun ala nusus, حيث جعلوها دلة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. Premièrement, ici, le fait de nier le sens apparent, c'est remettre en cause les textes. Premièrement, ça serait remettre en cause les textes du fait de lui donner un sens ou de donner à ces textes un sens qui ne convient pas au Créateur. Premièrement, donc retenez bien cela. Wala muradin lahu. Et un sens qui, en réalité, n'est pas voulu. Premier point. Donc, retenez bien cela, c'est très important. Donc, en fait, ici, la première chose, c'est que pourquoi cette négation et cette interprétation concernant les attributs d'Allah n'est pas valable, et cela n'est pas légiféré et permis, car c'est remettre en cause, premièrement, les textes. C'est une atteinte. Plus clairement, par rapport à ce que dit l'auteur, c'est une atteinte au texte de fait de donner un autre sens, un sens faux qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Premièrement. Deuxièmement, qala annahu sarfun li kalami Allah ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alayhi wa sallam ala zahirihi. Donc là, je vais vous demander de vous concentrer puisqu'on va avancer, inshallah, pour avancer dans les points. Donc on va essayer de traduire littéralement. Vous êtes, comme l'argumentation de Shir est très est simplifiée et simple, donc on va pouvoir avancer, inshallah. Donc le premier point, parce qu'il dit c'est une atteinte au texte, le fait de donner un sens, un autre sens, au sens apparent, un sens qui serait faux, qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, c'est le fait de faire cela, d'avoir recours à cela, c'est détourner là, il dit, la parole du Créateur. Ça serait détourner la parole du Créateur et celle de son messager. De l'apparence du texte. Ça serait détourner la parole d'Allah et de son messager de son sens apparent. Wallahu ta'ala khataba an-nas bilisanin arabiyyin mubin. لِيَعْقِلُوا الْكَلَامِ وَيَفْهَمُوهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا اللِّسَانِ الْعَرَبِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَهُمْ بِأَفْصَحِ لِسَانِ الْبَشَرِ. Regardez ce que l'auteur dit. Il dit pourquoi? Puisque le Créateur s'est adressé aux hommes, lorsque je dis les hommes, l'espèce humaine, à l'humanité, avec une langue arabe claire, explicite. Pourquoi? لِيَعْقِلُوا الْكَلَامِ, pour qu'ils puissent réfléchir, raisonner dans le sens comprendre la parole, comprendre ce qu'implique cette parole, et dit ce qu'implique cette langue arabe. Et le prophète sallam aussi s'est adressé à eux avec la plus grande éloquence et la plus grande clarté, la plus grande clarté. Fawajaba hamlu kalamillahi وَرَسُولِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمَفْهُومِ بِذَلِكَ اللِّسَانِ الْعَرَبِي. Donc, si on admet qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux hommes d'une langue claire et explicite, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux hommes avec la plus grande des clartés, donc si on admet cela, est-ce qu'il faut prendre le sens apparent des paroles d'Allah et de son messager? Naam. Donc si on admet que Allah Azza wa Jal s'est adressé aux gens avec une parole claire et explicite et que le prophète Sam s'est adressé à eux avec éloquence et clarté, donc l'autre cheikh nous dit, donc il nous incombe de prendre le sens apparent, impliqué par cette langue arabe claire. غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Par contre, il dit néanmoins de protéger cela de toute forme de takyif et de tamthil. On avait bien explicité, on peut rester sur les termes en arabe maintenant, takyif et tamthil, de protéger cela de toute forme de takyif, de chercher le comment de l'attribut, ou tamthil, de le faire ressembler et de comparer cet attribut divin. Cet attribut qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième argument. C'est le deuxième argument. Donc, vous avez vu, dans le premier argument, pourquoi, en fait, on ne peut pas nier l'apparence, le sens apparence des textes d'attributs? Pourquoi on ne peut pas les nier? Pourquoi on ne peut pas les interpréter? Pourquoi on ne peut pas les falsifier? Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est une atteinte au texte. Le fait de donner un sens à ces textes qui, en réalité, ce n'est pas le sens. Deuxièmement, il dit, c'est détourner la parole d'Allah Azzawajal et de son messager, du sens apparent de ces textes. Et il cite le pourquoi. Troisièmement, il dit, أَنَّ صَرْفْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًا يُخَالِفُ قَوْلٌ عَنَ اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Troisièmement, pourquoi aussi on ne peut pas avoir recours à l'interprétation, la falsification ou autre? Parce qu'il dit que ça serait détourner la parole d'Allah de son messager du sens apparent. Du sens apparent. Il a ma'anan yukhalifuhu. Vers un sens qui serait en contradiction avec le sens apparent. Vers un sens qui sera en contradiction avec le sens apparent. Donc regardez, troisième argument que donne l'auteur, troisième raison, il dit, en fait, si on nie le sens apparent de l'attribut, ou on l'interprète, ça serait quoi? Ça reviendrait à détourner la parole d'Allah et de son messager, détourner donc la parole d'Allah et de son messager du sens apparent, vers un autre sens qui sera en contradiction avec celui-ci. Qui sera en contradiction avec celui-ci. Et donc, ça serait parler sur le Créateur sans savoir et sans science. Il dit, ça revient à parler sur le Créateur sans savoir et sans science. Et chaque musulman musulmane connaisse la gravité et l'interdiction de parler sur le Créateur sans savoir, sans connaissance. Puisque, et il va citer le verset, Allah dans un verset nous dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et dans un autre verset, donc ça c'était le verset 33 dans sourate Al-A'raf, et dans un autre verset l'auteur nous dit, il nous cite un autre verset où Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et donc, l'auteur cite ces passages où le Créateur, en traduction relative du sens de ces versets, nous dit, il s'adresse au prophète, dit, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées, le péché et la violence injuste, comme il vous a interdit d'associer Allah, ce pourquoi lui-même n'a conféré aucun pouvoir. Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. L'élément illustrant de ce verset est de dire sur Allah wa antaqulu an Allahi ma la ta'lamun, et que vous dites sur le Créateur ce que vous ne savez point. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit ne poursuis pas ce dont, une traduction relative du sens, ce dont tu n'as aucune connaissance, lui, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Tout cela sera interrogé. Et donc ne poursuis pas, ne va pas vers ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc ici l'auteur, qu'est-ce qu'il va enseigner dans ce troisième argument? Le fait d'interpréter, de nier ou de falsifier un attribut, le sens apparent de l'attribut, ça serait détourner en réalité la parole du Créateur de son messager du sens apparent. Et donc, lui donner un autre sens. Mais si cet autre sens donné est contraire au voulu d'Allah et son messager, alors c'est parler sur Allah Azza wa Jal sans savoir, sans science. Pourquoi ? Parce qu'en interprétant, on donne un sens. Lorsqu'on dit par exemple que, lorsqu'il est cité, Allah dans le verset dit « Bima khalaqatu bi yadayi » pour ce que j'ai créé de mes deux mains. Soit les mains citées dans le verset, soit on accepte le sens apparent. On affirme. Allah dit « Pour ce que j'ai créé de mes deux mains. » Soit on l'accepte. Et bien sûr, on protège cela de toute forme de takyif et de temthil, sans chercher le comment de ses mains, puisqu'on ne peut pas concevoir cela, et sans penser que ces mains-là sont comparables aux mains des créatures et des êtres humains. On ne sait pas comment celles-ci sont. On ne connaît pas le comment, tout simplement. Par contre, on affirme le sens apparent « Bima khalaqatu bi yadayi » ce que j'ai créé de mes deux mains, le sens apparent qui nous vient à l'esprit, c'est deux mains, mais comme ils conviennent au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le fait de prendre le sens apparent, mais de le protéger de toute forme de tekif et de temthil. Ceux qui vont avoir recours à l'interprétation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc détourner la parole du Créateur et de son messager du sens apparent vers un autre sens. Vers un autre sens. Puisque si on dit les deux mains, en fait, le sens, c'est pas le sens apparent que vous pensez. Taïb, nous disons alors, quel est le sens de ces deux mains? On veut dire, c'est dans le sens des bienfaits d'Allah. Al-ni'am. Ni'matullah. Ou bien, al-quwwa. Ou bien la force. Donc, ça, il donne un sens. C'est le fait de donner. Mais en fait, c'est parler sur Allah sans savoir. Surtout si le sens contredit le voulu du Créateur et de son messager. Et vous avez vu, ce point est très important. Vous allez voir dans le point qui va arriver, qui arrive, juste ensuite, on va voir un complément. Regardez. Donc il dit « فَصَّرِفُ لِكَلَمِ اللَّهِ تَعَلَى وَرَسُولِهِ عَنْ ظَهِرِهِ لَمَعْنًا يُخَالِفُ قَدْ قَفَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٍ وَقَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمْ مِنْ وَجَيْنٍ » Regardez, donc il dit, celui qui détourne la parole d'Allah et de son messager, du sens apparent, vers un autre sens qui contredit en réalité celui-ci. Vers un sens qui contredit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que la main, c'est dans le sens de an-ni'ma, ou bien de l'quwa, le bienfait ou bien la puissance. Le sens là, il contredit le sens apparent. Puisque le sens apparent, c'est deux mains. Ce que j'ai créé de mes deux mains. Donc c'est parler sur le Créateur sans connaissance. Pourquoi cela est parler sur le Créateur sans connaissance? Il va dire pour deux causes. Écoutez bien, c'est très pertinent. Et de là, on va se rendre compte. C'est pour ça que j'ai bien insisté, j'ai introduit en fait cette argumentation de l'auteur, je l'ai introduit, j'ai fait une sorte de préambule pour qu'on puisse réellement comprendre ici cette argumentation de l'auteur. Vous allez comprendre véritablement pourquoi depuis les premières générations, les grands savants musulmans s'efforcent de réfuter l'interprétation des attributs. Parce que tellement ça s'est propagé dans le monde musulman, parfois on peut se dire, il n'y a pas de mal d'interpréter tel ou tel attribut, et ne pas comprendre le pourquoi de la réfutation des savants. Mais là, vous allez comprendre le pourquoi. Là, l'auteur nous dit, donner un autre sens à interpréter l'attribut divin, c'est donner un sens qui contredit en fait la parole d'Allah et de son messager. Et donc, c'est parler sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Parce que celui qui dit que le sens de la main, c'est la puissance ou le bienfait, il donne un sens, il parle sur Allah en fait, mais sans savoir. Et pourquoi il parle sur Allah Azza wa Jal sans savoir et c'est considéré comme tel? Il va dire pour deux choses. Écoutez bien, il dit. Awalan, pourquoi? Parce qu'il dit annahu za'ama annahu laysa al-murad bi kalam Allah ta'ala wa rasulih kadha ma annahu zahir al-kalam. Pourquoi? Premièrement, parce que lorsque moi je reste sur l'exemple par exemple de l'attribut de la main, mais ça on peut l'appliquer sur tous les attributs. Sur tous les attributs. Mais on reste sur un exemple pour bien comprendre. Par exemple, le fait de dire que le sens de l'attribut de la main, ça serait la puissance ou bien les bienfaits. Regardez ce que dit l'auteur. Il dit, ça serait prétendre un autre sens qu'a voulu Allah et son messager. Regardez. Zarama annahu laysa al-murad bi kalam illahi ta'ala wa rasulihi kada. Ça serait dire que, en fait, le voulu du Créateur, Allah Azza wa Jal, le sens apparent, c'est pas ça qu'a voulu Allah. Par exemple, Allah nous a dit dans le verset, pour ce que j'ai créé de mes deux mains, traduction relative. Si on dit que les mains ici, ça serait dans le sens de la puissance ou du bienfait, donc on dit que le sens apparent, ce n'est pas ça qu'a voulu Allah. Et son messager. Donc, ça serait prétendre qu'Allah n'a pas voulu le sens apparent. Mais est-ce qu'on peut prétendre qu'Allah n'a pas voulu le sens apparent? Allah a dit, pour ce que j'ai créé de mes deux mains. Celui qui dit non. Les deux mains, c'est dans le sens de la puissance et de Nirma. Donc, il prétend que le sens apparent, Allah ne l'a pas voulu. Et son envoyé ne l'a pas voulu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dit « Allah descend au dernier tiers de la nuit au premier ciel ». Non, la descente, c'est pas la descente d'Allah, azza wa jal. C'est dans le sens la descente de son ordre. Et dans une interprétation, la descente de sa miséricorde. Donc, ça serait dire que le sens apparent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas voulu. On prétend que le sens apparent n'est pas voulu, premièrement. Ça, c'est la première cause pour ça que les savants et l'auteur dit que c'est parler sur Allah, en fait, sans savoir, sans connaissance. On prétend qu'Allah n'a pas voulu le sens apparent. Lorsqu'Allah, par exemple, a dit dans le verset « Pour ce que j'ai créé de mes deux mains », on prétend dire « Non, le sens apparent, ce n'est pas ce qu'a voulu Allah et son message. » Deuxièmement, deuxième cause, que c'est considéré comme une parole sur le Créateur sans savoir, le fait d'interpréter. Deuxièmement, annahu zarama anna al-murad bihi kadha. Li ma'nan akhar la yadullu alayhi zahir al-kalam. Deuxièmement, écoutez bien. Dans le premier cas qu'on vient d'étudier, pourquoi c'est parler sur Allah sans connaissance? Parce qu'on a dit c'est prétendre qu'Allah n'a pas voulu le sens apparent. Mais deuxièmement, c'est donner un autre sens que le sens apparent. C'est prétendre un autre sens que le sens apparent. Lorsque, par exemple, on dit le sens de l'attribut de la main, c'est le bienfait ou bien la puissance. Donc là, en plus d'avoir prétendu que l'apparence de la parole d'Allah, ce n'est pas ça qu'a voulu Allah, premièrement, c'est ensuite lui donner un autre sens que le sens apparent. Vous avez vu la différence entre les deux choses? La première chose, c'est prétendre que le sens apparent n'est pas voulu par le Créateur, par Allah. Et deuxièmement, ensuite, c'est lui donner un autre sens que le sens apparent. Et là, ensuite, on dira non, le sens de la main, c'est le bienfait ou la puissance. Donc, on lui donne un sens autre que le sens apparent du texte d'attribut. Donc là, vous comprenez bien que, en fait, interpréter le sens apparent des textes d'attributs, ce n'est pas aussi simple que ça. L'affaire n'est pas aussi aisée que ça, puisque les savants considèrent c'est parler sur le Créateur sans savoir. Ensuite, l'auteur dit « وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَعْيِينِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَسَوِيَيْنِ في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. Alors il dit ensuite, si on prend connaissance d'une chose importante, que le fait de donner un sens supposé, écoutez bien ce qu'il dit, si on considère et on prend connaissance, on comprend, on reconnaît que le fait de donner un sens supposé est considéré comme la parole sur le créateur sans savoir, sans ilm. À savoir, quand on répète la parole sur le créateur sans savoir, parler sur le créateur sans savoir, ça fait partie des plus grands péchés dans notre religion, des plus grands péchés capitaux dans notre religion, de parler sur le créateur sans savoir. À ce moment-là, si par exemple un sens serait supposé, par exemple, tel terme peut supposer deux sens. Il peut supposer un premier sens comme un deuxième sens. Mais si, par exemple, lui donner l'un des deux sens, alors qu'on n'en a pas connaissance, c'est considéré comme parler sur Allah sans savoir, quel est le cas, alors il dit, de donner au terme un sens qui est contraire au sens apparent du texte, qui est contraire au sens apparent du terme, c'est-à-dire lui donner le al-ma'na al-marjouh. Al-ma'na al-marjouh, c'est-à-dire le sens le moins plausible, le moins vraisemblable. Quel est le cas, alors il dit, de donner au terme le sens, de l'interpréter par le sens le plus vraisemblable, ou le moins vraisemblable et le moins plausible. À plus forte raison, c'est considéré comme parler sur Allah Azza wa Jal sans savoir. Regardez, il dit dans un premier temps, si on considère le fait qu'un terme peut supposer un sens, mais on lui donne ce sens-là, on lui donne ces sens-là supposés, c'est considéré comme parler sur Allah Azza wa Jal sans savoir. Quel est le cas si à ce terme-là, on l'interprète d'un sens qui est moins plausible et moins vraisemblable? Alors, à plus forte raison, c'est considéré comme parler sur Allah sans savoir. Par exemple, le fait de dire par exemple que l'attribut de la main, ça serait dans le sens de ni'ma, du bienfait, ou bien de la puissance. C'est un sens. Mais en fait, c'est le sens le moins plausible par rapport au fait de le prendre, le sens apparent du texte, le sens apparent de ce que j'ai créé de mes deux mains. C'est plus juste de le comprendre selon le sens apparent. Lui donner un sens en disant que c'est dans le sens de ni'ma, l'interpréter par ce sens-là, c'est lui donner un sens qui est moins plausible et moins vraisemblable. Donc, il y a plus forte raison, c'est considéré comme la parole sur le créateur sans savoir et sans ilm. Mithal ou dhalik. Regardez, il dit, et l'auteur justement va nous donner cet exemple. Il va dire exemple à cela. Dans la parole du créateur, lorsque Allah Azza wa Jal s'est adressé au Satan, ou plutôt à Satan, à Shaytan, Iblis, Allah lui dit, « Ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. » Allah, en s'adressant à Iblis, il lui a dit, « Qu'est-ce qu'il t'a empêché, une traduction relative du verset, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains ?» On le traduit littéralement. Là, c'est une traduction littérale. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse, et donc là, tout ce qu'on vient de mentionner, là l'auteur va nous donner un exemple concret dans le Coran. Un exemple concret dans le Coran. Pour pouvoir mettre ça en pratique. Alors, Allah nous informe qu'il s'adressait à Iblis et lui a dit, qui est-ce qui t'a empêché, ou qu'est-ce qui t'a empêché plutôt, de te prosterner pour celui dont j'ai créé de mes deux mains? C'est sens apparent. On traduit littéralement. Littéralement. فَإِذَا صُرِفَ الْكَلَمَ عَنْ ظَاهِرِهِ. Donc maintenant, si on détourne la parole de son sens apparent, par exemple, le partisan de la doctrine de l'interprétation, de la négation de l'attribut, dira, Lorsqu'Allah dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? Le sens apparent, de mes deux mains. Si on détourne le sens apparent, donc on dira, non, le créateur, lorsqu'il a dit de mes deux mains, ce n'est pas les deux mains qu'il a voulu. Donc, détourner le sens apparent, ça serait dire, en fait, le créateur, lorsqu'il a dit Bima khalaqatu biyadei, ou lima khalaqatu biyadei, non, en fait, le créateur n'a pas voulu deux mains réelles. Wa innama arada kada wa kada. Mais il a plutôt voulu telle et telle chose. Puisque si on interprète en disant Marna liyad, le sens de la main, c'est nirma, le bienfait ou bien la puissance. Donc, on dit que le sens apparent, Allah Azzawajal ne l'a pas voulu. Allah dit Lima khalaqatu biyadei, pour celui que j'ai créé de mes deux mains. Mais celui qui interprète, il dit que ce sens apparent, en fait, Allah ne l'a pas voulu. C'est ça. Si on dit que biyadei, c'est dans le sens, c'est un autre sens. Donc on l'interprète. Donc l'auteur dit, on demande alors à cette personne, à celui-ci, ma daliluka ala ma nafait. Quelle est ta preuve? On lui demande, quelle est ta preuve pour ce que tu as nié? Qu'est-ce qu'il a nié? Arsène, en fait, il a nié le sens apparent. Donc il dit, lorsqu'Allah s'est adressé au démon, à Shaitan, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Ils ont dit que non, en fait, les deux mains, ce n'est pas le sens. Celui-ci, apparent, qu'Allah Azzawajal a voulu, donc on lui demande, quelle est ta preuve, premièrement, pour ce que tu nies? Est-ce que tu as un délil, un amanafait, pour ta négation du sens apparent, premièrement? Ensuite, deuxièmement, on lui demande une autre preuve. La première preuve qu'on lui demande, c'est quelle est ta preuve pour ce que tu as nié? Mais ensuite, on lui demande une deuxième preuve. Quelle est cette deuxième preuve? C'est quoi la deuxième preuve qu'on lui demande? Puisqu'il nie que ce soit le sens apparent qu'Allah Azzawajal ait voulu. Ensuite, il y a une deuxième preuve. Alors on lui dit, quelle est ta preuve pour nier cela, le sens apparent? Mais on lui demande une deuxième preuve. Quelle est cette deuxième preuve? On lui demande justement la preuve pour ce que lui-même a affirmé comme sens. Puisque lui ensuite, il va affirmer qu'en fait, le sens voulu, par exemple, de la main, c'est le bienfait. Nirma, ou la puissance, il va donner un sens. Donc ensuite, on lui demande, quelle est ta preuve que le sens, c'est tel et tel sens que tu as affirmé et que tu as donné. Donc vous avez vu, il y a deux choses, deux preuves qu'il doit apporter. La preuve, premièrement, qu'il faille nier le sens apparent, que ce n'est pas celui-ci. Et deuxièmement, pour ce qu'ils ont affirmé comme sens, il faut apporter une preuve. Pourquoi? Parce que si, lorsqu'Allah Azzawajal dit, et il s'adresse à Iblis, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné pour celui dont j'ai créé de mes deux mains? Et on dit, non, ce n'est pas deux mains réelles qu'il faut comprendre. D'accord? Quelle est la preuve qu'il ne faut pas comprendre cela? Premièrement. Deuxièmement, en fait, le sens de cela, ça serait tel et tel sens. Donc, deuxièmement, il faut la preuve. Quelle est la preuve que le sens serait tel et tel? Donc, c'est très pertinent. فَإِنْ أَتَى بِدَلِيلٍ وَأَنَّا لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ قَائِلًا عَنَ اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ فِي نَفْيِهِ وَإِثْبَاتِهِ. Donc maintenant, on a deux situations. On a deux hypothèses. Soit, il rapporte les preuves. Soit, il ne rapporte pas les preuves. Soit la personne a les preuves, soit la personne n'a pas les preuves. Donc on a deux situations. Il n'y a pas une troisième situation. On a deux situations. Soit il a les preuves, soit il n'a pas les preuves. Sauf que dans ces deux situations, il y en a une qui est impossible. C'est la première. Il n'y a pas de preuves. Sinon, il n'y aurait pas de débat. S'il y avait des preuves, il n'y aurait pas de débat. Et comme il n'y a pas de preuve, donc la première situation, le fait d'apporter les preuves, elle est impossible. Qu'est-ce qui reste? La deuxième, il n'a pas de preuve. Donc s'il n'a pas de preuve de ce qu'il revendique, c'est considéré comme parler sur le créateur sans science. C'est considéré parler sur le créateur sans science. Ce qui n'est pas rien, pourquoi? Parce que jusqu'à ce que certains savants dans le tafsir, le commentaire du verset qu'on a cité, le 33, si je ne me trompe pas, de Sourate Al-A'raf, le verset 33 de Sourate Al-A'raf, quand il est dit « Wa antaqu Allah Azza wa Jal » dans le verset dit « Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun » et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez. Point. C'est venu en dernière position parce qu'il y a cinq choses qui sont mentionnées. Al-fawahish, wal-ithm, wal-baghi, wal-shirk, wal-qawla ala Allah bi-ghayri ilm. Donc on a cinq choses qui sont citées dans le verset. Certains savants dans l'exégèse, ou plutôt dans l'interprétation du verset, ont dit que ces cinq choses citées dans l'ordre, al-fawahish, ma zahara minha wa ma batan, wal-ithm, wal-baghi, ensuite Allah a cité wal-shirk, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, quatrièmement, et cinquièmement, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Donc on a al-fawahish, souvent traduit dans les traductions du verset, par la turpitude. Wal-ithm, quel péché. Wal-bari, quel péché aussi. Mais on avait déjà dans une autre assise expliqué la différence entre les deux. L'un où on cause du tort à soi-même, et l'autre, al-bari, lorsque le tort ensuite touche autrui. Le tort ensuite touche autrui. Il y a des péchés, le tort, on se le fait à soi-même, mais il y a des péchés où le tort aussi touche autrui. Comme par exemple, le fait de voler quelqu'un, d'être injuste envers quelqu'un, là, on cause du tort à quelqu'un. Wash-shirk, l'association, et cinquièmement, Allah Azza wa Jalla a cité parler sur lui sans savoir, parler sur Allah sans savoir. Certains savants dans l'explication ont dit c'est par ordre. C'est-à-dire que le plus grave, c'est le dernier, parler sur Allah sans savoir. Et donc, ça c'était pour se faire un rappel très important que lorsque l'auteur dit c'est considéré parler sur le créateur sans savoir, ce n'est pas rien, quelque chose qu'il faille négliger ou prendre à la légère. Donc celui par exemple qui dit que le sens, lorsqu'Allah dit à Iblis, au shaitan, pourquoi, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui dont j'ai créé de mes deux mains? Là, les savants disent que ce verset, c'est un verset d'attributs. Ayat al-sifat. Ayat al-sifat. Verset d'attributs. Donc, celui qui veut interpréter ce verset et cet attribut, donc, ça serait premièrement prétendre que le sens apparent, ce n'est pas ce qui est voulu. Allah n'a pas voulu le sens apparent. Donc, il prétend quelque chose au sujet du Créateur. Il faudra me rapporter la preuve. Deuxièmement, il va lui donner un sens, contraire au sens apparent. Il faut rapporter une preuve. Surtout si le sens donné est contraire au sens apparent. S'il n'apporte pas de preuve, et on a dit qu'en fait il n'y a pas de preuve, sinon, comme on l'a dit précédemment, il n'y aurait pas de débat sur la question, alors la personne a parlé sur le créateur sans savoir. Al-Wajhu Rabia. Quatrième cause. Donc vous avez vu là, on a fait trois causes. Trois causes pour lesquelles l'interprétation des attributs et la falsification et la négation des attributs est fausse. La quatrième cause. Fi ibtali madhhabi ahli at-ta'til. Anna sarf nusus as-sifat 'ala dhahiriha mukhalif lima kana 'alayhi an-nabiy wa ashabuhu wa salaf al-ummah wa immatuha. Fayakun batilan. لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي وأصحابه وسلف الأمة وإمتها. Tout simplement, dans ce quatrième point, quatrième argument, l'auteur nous dit qu'en fait, ce qui prouve la nullité de la doctrine de la négation, vous comprenez bien la négation des noms et des attributs, ou bien des attributs divins, puisque la doctrine de la négation, les partisans de la négation, soit, comme on l'a dit, ils ont nié tout, l'ensemble, les noms d'Allah et ses attributs, ou soit ils ont nié une partie, les noms, ou bien ils ont affirmé les noms et nié les attributs. Ce qui prouve la nullité de du courant de pensée de la doctrine de la négation, c'est que détourner le sens apparent du texte, c'est contraire à la voie du prophète, c'est contraire aux enseignements du prophète, de ses compagnons, de ceux qui nous ont précédés, de cette nation, et des grands guides et imams de cette nation. Et ça, c'est un argument qui est irrévocable. C'est un argument très pertinent. Pourquoi ? En fait, détourner le sens apparent, c'est contraire aux enseignements du prophète. Le prophète n'a pas enseigné cela. C'est contraire aux enseignements de ses compagnons, des disciples des compagnons, des grands imams depuis les premières générations de cette nation. Cinquième argument. الوجه الخامس أن يقلل المعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه. Cinquième argument, c'est de poser la question au partisan de la négation, de lui poser la question. En fait, de lui poser la question, es-tu plus connaisseur que Allah lui-même ? De lui poser la question, cinquième argument, de poser la question au partisan de la négation, lui poser cette question, es-tu plus connaisseur, en fait, toi-même, es-tu plus connaisseur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le Créateur ? Il répondra, naturellement, non. Naturellement, il répondra, non. Fayuqalu lahu. Alors, on lui demandera, ce que nous a informé Allah, azza wa jal, au sujet de lui-même, à son sujet. Si on lui demande, es-tu plus connaisseur qu'Allah ? S'il répond non, et naturellement il répondra non. Un musulman ou une musulmane ne dira pas qu'il a plus de connaissances que le Créateur. Donc naturellement il dira non. Donc on lui posera la question, penses-tu que ce dont nous a informé Allah Azza wa Jal à son sujet, c'est vérité et vrai ou non? Ce qu'il nous a informé Allah Azza wa Jal, ces informations, ces enseignements qu'il nous a donnés à son sujet, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces informations et ces enseignements sont vrais et vérité? Qu'est-ce qu'il répondra naturellement? Na'am. Il ne va pas répondre non, c'est faux. Il va répondre ça, son vérité. Alors on lui dira, ensuite, alors on lui posera la question, connais-tu une parole plus claire, explicite que celle du Créateur? Connais-tu une parole plus claire et plus explicite et éloquente que celle du Créateur? Naturellement, il répondra non. Pourquoi? Parce que ça, c'est un débat entre musulmans. C'est un débat entre musulmans, entre croyants, des gens qui croient en Allah et en son messager et en la véracité du Coran. Donc, il dira non, il ne connaît pas de parole plus éloquente, plus claire, plus explicite que la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors, ensuite, on lui demandera, هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم. Alors, on lui posera la question. Ensuite, est-ce que tu penses, crois-tu qu'Allah a voulu caché dans ses textes, dans son livre, dans ses versets, penses-tu qu'Allah a voulu cacher dans ses textes la vérité aux créatures pour qu'elles la déduisent elles-mêmes en usant de leur raison? Donc ensuite, après toutes ces questions qu'on lui a posées, on lui pose cette question. Hel tadhun, est-ce que tu penses qu'Allah a voulu cacher la vérité aux hommes, aux créatures, aux êtres, au sujet ou dans ces textes, pour que eux-mêmes ensuite ils essayent de trouver cette vérité avec leur raison? La personne dira non. Allah n'a pas voulu cacher la vérité puisqu'il a mis cette vérité en toute clarté, en évidence. Donc l'auteur nous dit, ça c'est ce qu'on lui dit par rapport à ce qui est venu dans le Coran. Par rapport au Coran. Maintenant, ce qui concerne la sunna, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous lui disons, هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. Là, on lui posera la question, ce qui concerne la sunna. Est-ce qu'en fait, toi, tu es plus connaisseur d'Allah que son envoyé lui-même, que le prophète lui-même? Il répondra naturellement, en tant que musulman, non. Il n'est pas plus connaisseur d'Allah que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète connaît mieux Allah que nous, que les hommes. Donc il répondra naturellement non. Alors ensuite, il posera la question, est-ce que ou ce dont nous informait le messager d'Allah au sujet du Créateur, au sujet d'Allah, est-ce que cela est vérité et vrai? Il répondra naturellement oui. Ce dont nous a informé l'envoyé d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'Allah, est vérité et vrai. Il répondra oui. Alors ensuite, nous lui dirons, connais-tu une personne plus éloquente et plus claire dans ses paroles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il répondra naturellement non, puisque le prophète avait ce don. En quelques mots, en quelques paroles, il pouvait enseigner des sens immenses et des paroles qui étaient très lourdes. C'est pour ça qu'il est dit au prophète, c'est « Nulqi alayka qawlan » Thaqilan, nous allons te révéler une parole lourde. Et donc le prophète recevait la révélation, il a transmis le Coran, mais aussi sa sunna. Les paroles du prophète sont considérées comme sa tradition. Le prophète, avec de courtes paroles, de simples mots, le prophète était d'une éloquence manifeste et immense et grande. De sorte que, avec quelques mots, il pouvait exprimer des enseignements immenses que nous, on ne peut pas. Exprimé en quelques mots. Alors si la personne, il lui est demandé, connais-tu une personne plus claire, plus éloquente et explicite que le messager d'Allah, il dira non. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ هَلْ تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدَ مِنَ النَّاسِ أَنْصَحْ لِعِبَادِ اللَّهِ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ. Ensuite, et écoutez bien, il dit, et on va se quitter sur ce point, inshallah, connais-tu alors une personne qui serait meilleur conseiller pour les serviteurs du Créateur, pour les serviteurs d'Allah, que l'envoyé d'Allah. La question ensuite, c'est connaîtrais-tu une personne qui serait meilleur conseiller pour les créatures et les serviteurs d'Allah que l'envoyé d'Allah? Naturellement, qu'est-ce qu'il répondra? Non. فَيُقَالُ لَهُ إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ بِذَلِكَ. Alors maintenant, on lui dit, si tu professes et affirmes tout ce qu'on a dit précédemment au sujet d'Allah, au sujet de son envoyé, فَلِمَذَا لَا يَكُنَ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَعَةُ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ. Alors, l'auteur, regardez, c'est très pertinent, il dit, si tu confirmes, il répond oui, quand faut répondre oui et non, quand faut répondre non. Si tu confirmes tout ce qu'on a cité précédemment, alors il dit, pourquoi ne prends-tu pas le risque? Et pourquoi n'as-tu pas le courage d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et d'affirmer ce que l'envoyé d'Allah a affirmé pour Allah? Si tu crois à tout ce qu'on a dit précédemment, pourquoi il dit, ne prends-tu pas le risque? Et n'as-tu pas le courage d'affirmer ce que le Créateur s'est affirmé pour lui-même? Et ce que son envoyé a affirmé pour le Créateur? Le prophète nous dit qu'Allah descend en dernier tiers de la nuit au premier ciel. Le prophète l'a dit. Il connaît le Créateur mieux que nous. Est-ce qu'on peut dire, non en fait, Allah ne descend pas au premier ciel? Ça serait contredire la parole du messager d'Allah. Ça serait prétendre qu'on connaît mieux. Il faut rapporter des preuves si on nie. Ensuite, on va donner un autre sens. Il faut rapporter maintenant la preuve de cet autre sens qu'on va donner. Or, le croyant a juste à affirmer ce que le prophète a dit. Le prophète a dit qu'Allah Azzawajal descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit. On dit comme le prophète a dit. Mais comment ? Allahu a'lam. Par contre, le comment, on ne sait pas. Puisque est-ce que le prophète nous a enseigné le comment ? Non. Est-ce qu'Allah Azzawajal nous a enseigné le comment ? Non. Donc, on ne sait pas. Comment ? On ne sait pas. Est-ce que c'est comparable à la descente des créatures ? Non. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui est semblable au créateur. Donc, celui qui sait qu'il n'y a pas plus connaisseur au sujet d'Allah que Allah, et parmi les hommes, que l'envoyé d'Allah au sujet d'Allah que les hommes. Pourquoi ne pas affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même? Est-ce que son messager a affirmé pour lui-même? Pardon, on termine juste sur ce point. Pour terminer l'exposé. فَيُقَالُ لَهُ إِذَا كُنْتَ تُقَرُّ بِذَلِكَ فَلِمَاذَ لَا يَكُنُ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَاعَةُ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ اللَّائِقِ بِاللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَاعَةُ فِي نَفْيِ حَقِيقَتِهِ تِلْكَ وَالصَّرْفِ إِلَى مَعْنًى يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et donc pour terminer cela, regardez, l'auteur dit, là c'est très pertinent, il dit: donc pourquoi, après toutes ces questions, pourquoi ne prends-tu pas le risque et n'as-tu pas le courage d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et d'affirmer ce que son envoyé a affirmé pour le Créateur, pour Allah Azzawajal, selon la réalité, le sens qui convient au Créateur, qui convient au Créateur. Ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Mais regardez ce qu'il dit. Et donc, par contre, pourquoi as-tu le courage et pourquoi prends-tu le risque de nier la réalité du sens et de détourner le sens apparent du texte vers un autre sens qui le contredit sans savoir préalable? Sans savoir préalable. Donc vous voyez, c'est très pertinent parce que d'un aspect, l'auteur dit, s'il répond à ces questions posées, alors il dit, pourquoi ne prends-tu pas le risque et n'as-tu pas le courage d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et ce que son envoyé a affirmé pour le Créateur? Par contre, si la personne n'a pas le courage d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut et ce que son envoyé a affirmé pour lui-même comme attribut, par contre, il a le courage de nier. Allah dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Il n'a pas le courage d'affirmer les deux mains comme, c'est le sens apparent du texte, comme Allah Azzawajal a affirmé cela pour lui-même et son envoyé a affirmé cela. Par contre, il prend le risque de nier, de dire que le sens apparent du texte, c'est pas ce qu'a voulu Allah. Or, il n'a pas de preuve. Où est la preuve que Allah Azzawajal n'a pas voulu le sens apparent, premièrement? Et où est la preuve que le sens apparent serait tel et tel, tel et tel sens donné à titre d'interprétation? Taïb, on va conclure sur ça, Inch'Allah, et si Allah nous le permet, on continuera dans une prochaine assise. Demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.